sa gaye ki gaye bi ben gaye am la quoi legui da doon def carte de séjour li carte d'identité mu quoi xam nga rek dem commissariat ba quoi ñeu ran ñeu ci wetu policier bi quoi gaye la ke way séjour bo dekk adresse kërëp quoi après un policier bi taxaw ba ci ak nek bon yow lan moy sa profession gaye bi né lion policier nek yow dang may fonto wala mané la ci projet nga mané lion mu nek non quoi du lolou quoi grand c'est que simba kat la quoi ouais lion